l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes bien à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Méloman, édition du 20 janvier 2016. Et oui, le temps file. Et ce soir, une vraie de vraie variée, mais qu'on n'aura pas le choix d'affubler du nom de Radio Pirate Volume 2. Vous allez voir pourquoi. Parce que oui, vous le savez, la semaine passée, ça s'est plus transformé en un hommage à Bowie déguisé. Imaginez, on s'est rendu jusqu'à 1h du matin, un record pour Méloman. Que voulez-vous, tant qu'à rendre hommage à quelqu'un? Bon, c'est sûr que si vous étiez pas fan de David Bowie, c'était pas votre soirée. Mais il y en a plusieurs parmi vous qui ont grandement apprécié et qui ont découvert des pièces moins connues ou qui étaient très contents d'en entendre certaines autres qu'on n'entend jamais à la radio et aussi évidemment les hits qu'on aime se rappeler. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir partagé ce moment-là avec vous. C'est un privilège pour moi et je dis pas ça seulement pour faire gentil sur les ondes. La musique, c'est de l'émotion et c'est rien si on la partage pas. Et on avait besoin de ça, les amis, pour commémorer le départ d'un grand qui nous a tous marqués de près ou de loin. Bref, ça, c'est pour la semaine passée, mais cette semaine, du plaisir, que du plaisir, une belle variée radio pirate avec des détours en veux-tu, en v'là, vous le savez, à la mélomane, quoi. Profitez-en parce que je vous dis tout de suite, pour vous préparer mentalement, la semaine prochaine, il y aura un petit spécial jazz vers la seconde moitié de l'émission. Je sais que c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde, mais restez ouverts, on va faire ça dans les règles de l'art et on va découvrir ce style musical très riche. Mais ce soir, j'ai envie de vous partir ça avec du bon vieux rock garage des 60s. Voici Sam the Sham et les Pharaons au 99.1 CFNJ. Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Had a fool, had a about a thing she saw. teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying. 96 tears. Comes up, I'll be on top. You be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry. Cry, cry, cry, 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long. 96 tears, yeah. Come on now. 96 tears. Yeah, it's mystic eyes. à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient de faire un petit voyage dans le monde du rock garage des années 60. On pourrait presque dire la naissance de l'underground, quoique dans le temps du rockabilly, du blues par exemple, il y avait quand même toute une scène qu'on aurait pu appeler underground. Bref, un monde où on se permettait d'être un peu moins politically correct. C'est un style qu'on va aussi appeler parfois le frat rock, soit le rock de fraternité, parce que c'était une musique populaire chez les jeunes sur les campus d'université, entre autres choses. Et on vient d'entendre dans ce style-là le groupe The Seeds avec Can't Seem to Make You Mine de 1965. C'était précédé en 64 de la première chanson du tout premier long jeu des Rolling Stones, soit la sauvage Not Fade Away, une reprise de Buddy Holly. Sur un rythme inventé par Bo Diddley. Bo Diddley qui se trouve être un petit peu à cheval entre le rock and roll et le blues. Et d'ailleurs, le rythme, on l'appelle communément le Bo Diddley Beat, même si les Cubains, eux, vous diraient qu'il s'agit en fait de la clave tres dos. Voyez-vous, en musique, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais pour revenir aux Stones, on oublie souvent l'impact original des Stones, période Brian Jones, groupe qui était au tout début un band de blues, assez garage, merci, très menaçant. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est un peu de leur faute. Les pierres qui roulent justement depuis un tellement longtemps, sont devenues tellement une grosse machine qu'on oublie ce qu'ils étaient originalement. Mais si vous demandez à quelqu'un là, de 65 ans des alentours qui se souvient, vous allez voir à quel point les Stones avaient su frapper l'imaginaire. Sinon, dans le même genre, un groupe qui a commencé leur carrière en s'inspirant quand même pas mal les Stones, mais qui vont se démarquer avec leur chanteur Van Morrison. Il s'agissait du groupe Them, des Irlandais, en 65 avec Mystic Eyes, une chanson qui va jouer assez régulièrement, entre autres dans la série HBO de Sopranos, pour ceux qui suivaient ça. Et c'était précédé d'un classique du rock garage, Question Mark and the Mysterians avec 96 Tears en 66. Un peu plus obscur, mais quand même un classique du genre. Et aussi évidemment The Kingsman avec Louie Louie en 63, l'hymne national du frat rock. Et bien sûr, Sam the Sham and the Pharaohs avec Woolly Bully de 65. Un groupe qu'on avait déjà entendu à l'émission avec l'excellente Little Red Riding Hood. Et c'est pas fini, c'est là qu'on va justifier pas mal le terme de radio pirate. On retourne dans le rock garage, mais cette fois-ci dans le un peu plus abrasif, je vous préviens. Je vais vous démontrer par A plus B que le punk et le métal, c'est pas du tout une affaire récente de jeunes, et qu'au contraire, c'est une musique qui nous provient directement des baby boomers. On y va à l'origine et on commence ça avec un groupe où, en passant, on peut entendre un jeune Jeff Beck ainsi qu'un certain Jimmy Page en 1966. Voici les Yardbirds au 99.1 CFNJ. We'll be right back.

she's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you hear, 'cause she's the witch. Where she wants before it's too late. She's gonna make you in, 'cause she's the witch. summertime blue. Whoa! FNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Et oui, nul autre que Black Sabbath au 99.1 CFNJ. Vous êtes à Mélomanes en compagnie de moi-même, Mathieu Lajoie, jusqu'à minuit. Et oui, il faut bien que je vous brasse la cabane de temps en temps. Black Sabbath, qui, comme chacun le sait, sont officiellement les grands-pères du métal. Mais là, je voulais pas m'aventurer dans le métal et dans le punk comme tel. Vraiment les origines. Là. On n'appelait pas ça comme ça encore à ce moment-là. Mais vous l'avez peut-être remarqué dans la pièce qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, c'est un groupe qui a commencé en tant que band de blues. Et comme je vous disais, on l'entend particulièrement à l'harmonica jouée par John Osborne, qui va prendre le nom d'Ozzy peu de temps après. Donc, on a entendu The Wizard de 1969, qui nous provient du premier album éponyme. Et juste avant, Blue Cheer, avec la reprise musclée de Summertime Blues de 1968, une chanson originalement écrite par Eddie Cochran. Mais cette version-ci de Blue Cheer, qui va être reprise aussi en passant par le groupe canadien Rush, sur un album qui rendait hommage à leur héros de jeunesse, dont Blue Cheer. Donc, voyez-vous, à noter que l'histoire du métal est étroitement liée au blues. Et sinon, on était plus dans les origines du punk, cette fois-ci avec The Sonics en 1965. Imaginez, je pense que c'était la plus élevée, peut-être à part Black Sabbath, avec The Witch, très, très, très garage. Les Lutins aussi au Québec, de loin l'ensemble le plus jeune a rencontré le succès en pleine frénésie des groupes ici là au Québec. Et disons que ça rockait un petit peu plus que les Classelles, disons. J'ai rien contre les Classelles, soit dit en passant, mais quand même, on force nous est d'avouer que ça déménageait. On peut même dénoter aussi l'influence de Jacques Dutronc, lui-même assez punk avant le temps. Et sinon, on a bien entendu le « Je cherche » gros hit de 67. Et juste avant, la Sainte Trinité du proto-punk, proto-métal. Tout d'abord, les initiateurs aux accords bien gras avec du fuzz plein l'ampli, s'il vous plaît. The Kinks en 65 avec « I Need You ». The Kinks, pour qui tout le monde ou à peu près s'entend pour dire qu'ils sont à l'origine du punk et du métal. Mais ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que le génie de Ray Davies, principal compositeur du groupe, va nous amener complètement ailleurs. Juste après, ils vont inventer quelque chose de gros et passer à autre chose immédiatement après. Ce qui n'est pas sans nous rappeler ce qu'on disait de Bowie la semaine passée. Bowie, qui lui aussi est loin d'être étranger aux origines du punk en passant. Sinon, les Troggs aussi avec l'obscur Come Now de 69-70, vraiment une pièce particulière que peu de gens connaissent, très menaçante pour le temps. Et voyez-vous, mon ami Raymond Provost qui anime ici samedi matin me demandait, tu vas mettre les Kinks peut-être avec You Really Got Me ou les Troggs, un autre ami, ou tu vas mettre Wild Thing. Mais non, j'avais le goût de faire connaître autre chose, encore plus crunchy. Et sinon, la chanson Come Now, comme je vous dis, une ambiance qui est bien dure à qualifier, mais avec un texte en français récité par une demoiselle au beau milieu de la chanson. Bref, un authentique bijou que vous n'entendrez pas ailleurs, du moins, permettez-moi d'en douter. Et vous pourrez dire que vous avez entendu ça à Meloman. Et tout ça qui avait débuté avec les Yardbirds en 66 avec Stroll On, qui est un genre de version revue et corrigée d'une autre de leur chanson qui s'appelait Train Kept a Rollin'. Et Stroll On, qu'on pouvait entendre dans un film italien obscur de 66 du nom de Blow Up, où on pouvait voir les Yardbirds performer, et Jeff Beck qui détruit sa guitare en plein concert parce qu'elle ne fonctionne pas. On peut aussi voir un jeune Jimmy Page qui va bien sûr fonder plus tard les New Yardbirds, qui vont devenir nul autre que Led Zeppelin, qui sont évidemment aussi à l'origine du style musical qu'est le métal. Mais là, on change de style presque complètement, même si on reste dans quelque chose quand même d'assez rock. Deuxième album d'un groupe qui est le préféré de Jimi Hendrix à l'époque, 1970. D'ailleurs, Hendrix qui va dire ouvertement que le guitariste Terry Catt est meilleur que lui. Chicago au 99.1 CFNJ.

There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance. Make it come out. Il est parti pour l'Ontario, ouvrir un restaurant. was a day. If you do you speak English, me I can talk faster than you. One hamburger, moutarde, les spiritalos, quand il est assous, you want a shot? Yes, why not? Les poches bien pleines et puis la tête corée, on leur connaît sa bulle. Fazette, yip, yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Mais là, c'était vrai, puis ça m'était triste, puis était même pas sous. Do you want a shot? Yes, why not? Une journée ensoleillée, Edmond est disparu. Arrêquiesse, Catherine, Patché, puis on l'a jamais revu. Faisait des yip, yip, do you speak English? Me, I can talk faster than you. Want a hamburger, moutarde, relish, puis est à l'os quand il est à sous. Do you want a shot? Yes, why not? Quand Edmond est mort, il parle l'anglais. Edmond passed away sometimes on me. Thank you.

hit in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the side from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Prochaines heures, c'est un ciel dégagé, un minimum de moins 18. Généralement ensoleillé jeudi, maximum moins 9, et ensoleillé pour vendredi, maximum moins 6. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, partiellement nuageux cette nuit, minimum de moins 21. Jeudi ensoleillé, maximum de moins 10, et ensoleillé aussi vendredi, maximum de moins 7. CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et on vient d'entendre un hymne du glam rock, une chanson que vous avez peut-être prise pour une chanson de Bowie, après en avoir autant entendu la semaine passée. Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas tombé loin parce que c'est effectivement une composition de Bowie, une chanson qu'il avait écrite pour un groupe du nom de Mott the Hoople, dont le batteur Dave Buffin Griffin est aussi décédé cette semaine. Donc, c'est eux qu'on a entendu, Mott the Hoople. Il s'agissait de la pièce All the Young Dudes de 1972. Et Al Stewart, qu'on a entendu juste avant avec la magnifique Year of the Cat en 1976, une chanson enregistrée au fameux studio d'Abbey Road. Pas mal le seul gros hit d'Al Stewart, mais ça va devenir un classique des radios AM des années 70. Années 70, où on est resté d'ailleurs tout au fil du bloc. Et juste avant ça, vous vous attendiez pas à ça. Celui qui a popularisé la flûte de Pan de par le monde, j'ai nommé Georges Zamfir, un monsieur qui nous vient de Roumanie. On a entendu de loin son plus grand succès en carrière, soit The Lonely Shepherd de 1979, une composition du regretté James Last, et une pièce qu'une plus jeune génération va redécouvrir encore une fois grâce à ce cher Quentin Tarantino, qui va l'inclure dans son film Kill Bill Volume 1 en 2003. Sinon, Jean Lapointe, en 76, avec mon oncle Edmond, que j'étais très content de retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Je vous préviens, ça se peut que vous m'en vouliez de l'avoir dans la tête contre votre gré. En tout cas, moi, je l'ai écouté une couple de fois et elle ne me sort pas de la tête. Ce cher Jean Lapointe, qui, il faut le dire, a vraiment le sens musical. On l'oublie souvent. Et décidément, ça tombe vraiment comme des mouches dernièrement, parce qu'on a encore perdu quelqu'un d'important du monde de la musique cette semaine. Glenn Frey, membre fondateur des Eagles, qui nous a quittés lundi. Donc, on a entendu ici un de leurs gros succès, Heartache Tonight de 79, que Glenn Frey chante. Pour son côté enlevant, son petit côté, tout le monde la connaît, mais il y en aura peut-être quelques autres au fil de la soirée, en mémoire de toute la belle musique qu'il nous a laissée. Sinon, on a aussi entendu la guitare fluide de Mark Knopfler au sein de son groupe Dire Straits, bien sûr, en 78. Il s'agissait d'un de leurs plus gros succès, du moins leur tout premier, Sultans of Swing, avec ses deux merveilleux solos de guitare. Un titre de chanson qui serait venu à Mark Knopfler en voyant un groupe de jazz à Londres qui s'appelait les Sultans du Swing. Et là, tout le contraste entre le nom flamboyant et la salle vide l'avait fait assez rigoler, pour reprendre la formule. Et on a entendu aussi un tout aussi grand guitariste, Terry Catt, qui a probablement même été une inspiration pour Knopfler. Il y en a été une pour Hendrix, donc une inspiration pour à peu près tout le monde, par ricochet, on s'entend. Un gars qui est décédé tragiquement dans un genre de roulette russe qui aurait mal tourné. Il y a des histoires comme ça, des fois, dans le monde du rock. Tout ça se passait au sein du groupe Chicago dans la fleur de l'âge en 1970 avec la grandiose Make Me Smile. Et là, on est en 68 pour les deux prochaines. Une autre après de Glenn Frey. Et après, on prend le chant. Donc, pour tout de suite, Joe Cocker au 99.1 CFNJ. Left you on my own. his heart could not accept and pretend. The heaven's on me, yeah, and I will never be free. No, no, no. You took the vow with me, yeah, and you spoke.

say forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios Kansas City. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, et Céline Dion, à qui on envoie toutes nos sympathies. Madame Dion qui a quand même perdu deux êtres chers en une semaine. Son mari est gérant toujours, René Angélil, évidemment. Un énorme morceau de sa vie qui s'en va comme ça. Mais aussi son frère, Daniel, dont on a un peu moins entendu parler, de toute évidence, qui est décédé très jeune, en plus à l'âge de 59 ans. Gros début d'année pour Céline, mais pour plein de monde aussi. Je ne sais pas ce qui se passe en 2016, mais je ne suis pas tout seul à le dire. On a vraiment l'impression que ça tombe comme des mouches. Bref, un souvenir de Céline Dion en 87, « Ma chambre » qu'on n'entend presque plus, écrite par Jean-Pierre Ferland et Daniel Mercure. C'était précédé de Rufus Wainwright en 2001 avec « Cigarettes and Chocolate Milk ». Une jolie pièce aux allures de cabaret par moment. Et oui, j'ai remis du Rufus à la demande de certains membres de la gente féminine qui avaient donc apprécié que j'en mette il n'y a pas si longtemps. Et comme j'ai le cœur sur la main, ce fut fait. Mais ça va peut-être prendre un petit bout avant d'en remettre. Quand même, faut faire une rotation. Sinon, très bon et quand même assez récent. En fait, la plus récente de la soirée, si je ne me trompe pas, on parle de 2010. On a entendu ce cher Martin Léon avec All In, première pièce de son excellent album Les Atomes, qui a produit et réalisé lui-même. Et c'était précédé d'une pièce qui a été popularisée, elle, par son inclusion dans le film Magnolia de 1999. Donc Amy Mann avec Save Me, qui était précédé d'un autre classique de Glenn Frey, qui nous a quittés cette semaine aussi, au sein des Eagles avec Tequila Sunrise de 1973, dont l'intro est pas sans rappeler quand on est en amour de Patrick Normand. Il faut le dire, il doit avoir une petite influence là-dedans. Et sinon, deux gros classiques de 1968 avec les Guess Who et l'intemporel These Eyes, une chanson qu'ironiquement, on a entendu pour une première fois Mélomanes en version reggae dans le spécial Jamaïque. Et bien là, c'était l'original qui était précédé de Joe Cocker avec l'enlevante Feeling All Right qui rend toujours joyeux. Et parlant de rendre joyeux, Carl Douglas au 99.1 CFNJ. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with everything. nuit, je suis perdu en terre connue. Mis le jour, chercher la nuit, dans des avenues pleines d'inconnus. Marcher au fil des habitudes, enivré de ma solitude. La masse qui se déplace en oubliant où est ma place. Je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Chercher la nuit dans des avenues pleines d'inconnus. J'ai fui l'amour du fond de moi, je l'ai retrouvé avec toi. J'ai cru en moi une autre fois, repris la route qui mène chez toi. De long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens. Je reviens, je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens de ce long voyage, je reviens. Pour les prochaines heures, c'est un ciel dégagé, un minimum de moins 18. Généralement ensoleillé jeudi, maximum moins 9. Et ensoleillé pour vendredi, maximum moins 6. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, partiellement nuageux cette nuit, minimum de moins 21. Jeudi ensoleillé, maximum de moins 10. Et ensoleillé aussi vendredi, maximum de moins 7. CFNJ. Faire mourir ta mère avec mon cœur.

89.1 et 88.9 CFNJ. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter Slow and Menchander. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et on vient de se transporter jusque dans les années 80. D'ailleurs, on entend en ce moment même le thème des Dames de cœur, une série télévisée diffusée de 86 à 89 à Radio-Canada. Un thème composé par nul autre qu'André Gagnon. C'est pour ça que c'est bon. Et pas besoin de vous dire que seulement qu'à Mélomane que vous allez entendre ça. Mais sinon, on a entendu aussi Men at Work, digne représentant du Land Down Under, soit le nom qu'on donne à l'Australie, qui représente pour nous, finalement, le bout du monde. Et d'ailleurs, Down Under, la chanson de 81 qu'on vient d'entendre, est devenue un genre de chanson patriotique pour les Australiens depuis. Et ça va rester pas mal le plus gros hit en carrière pour Men at Work, à ne pas confondre avec les Montréalais de Men Without Hats. Mais Men at Work sont pas à plaindre parce que, d'après moi, ça leur a rapporté une jolie somme au fil des années parce que c'est quand même devenu un succès mondial. Sinon, You Will Lewis and the News, dont on avait déjà parlé à l'émission, on les avait écoutés avec The Power of Love le 21 octobre 2015, pile pour souligner la date à laquelle Marty McFly arrive dans le futur, dans Back to the Future. Mais on avait aussi parlé d'eux quand on a fait jouer le thème de Ghostbusters à l'Halloween. Et c'est pas un hasard si vous avez trouvé que le riff de guitare ressemblait pas mal au thème de Ghostbusters. Mais c'est pas Huey Lewis qui a copié, c'est le contraire. On lui avait demandé de faire le thème de Ghostbusters. Il avait refusé parce qu'il s'était justement engagé à faire la musique de Retour vers le futur. Et comme par hasard, Ray Parker Jr., celui qui va finalement faire le thème de Ghostbusters à sa place, va nous arriver avec une pièce qui ressemble étrangement à I Want a New Drug de 84 qu'on vient tout juste d'entendre. Bref, ça a été réglé hors cours. Mais ça arrive, ça, parfois, qu'il y a des chansons qui se ressemblent un petit peu trop pour être acceptables. Sinon, on a aussi entendu un souvenir de 1982, Julien Clerc avec Cœur de rocker que vous avez tous reconnu. Vous avez peut-être pas reconnu Gilles Rivard. Par contre, Gilles Rivard, un auteur-compositeur québécois qu'on n'entend plus beaucoup, qui avait pourtant rencontré un succès respectable fin 70, début 80 ici au Québec, mais qu'on a un peu oublié malheureusement depuis, entre autres, son décès des suites d'un cancer en 91, très jeune en plus, à l'âge de 42 ans. Mais on s'en est rappelé ici à Mélomane avec Je reviens de 1981. Et tout ça avait commencé avec une pièce qu'on a écrite originalement en essayant de capitaliser un peu sur le phénomène Bruce Lee. On était en 1974. Ça a été une idée payante parce que c'est un 45 tours qui est devenu numéro un des ventes pendant deux semaines aux États-Unis. Et ça, ça s'est vendu initialement plutôt à plus de 9 millions d'exemplaires. Et là, on ne parle pas des ventes dans le monde depuis 1974, imaginez. On parle bien sûr de Kung Fu Fighting par Carl Douglas. Et là, on va rester dans les années 80, mais d'après moi, on va encore prendre le champ en montant vers les années 90, vers le milieu du bloc. Il faut bien justifier cette appellation d'origine contrôlée qui est Radio Pirate, même si on s'entend que c'était surtout pour justifier la première partie sur les origines du punk et du métal, mais quand même. Un gros hit pour commencer. Annie Lennox, Dave Stewart, et oui, Eurythmics au 99.1 CFNJ. track of the visions in my eyes. Well, she's deceiving me, cuts my security. Has she got control of me? I turn to her and say, don't switch the blade on the guy in shades of gold. Don't masquerade with the guy in shades of gold. I can't believe it, cause you've got a bed with the guy in shades of gold. I wear my sunglasses at night, so my name while you collect your claim. And I wear my sunglasses at night, so I can see the light that's right before my eyes. While she's deceiving me, she cuts my security. She la pluie. Prince d'amour, je survis pour te retrouver.

'cause nothing here is grown. I've wasted all my tears, wasted all those years. Nothing had the chance to be. toujours à Mélomane, 99.1 CFNJ. Et oui, encore une fois, un très gros hit de 1984 pour Glenn Frey, qui nous a quittés plus tôt cette semaine. Et oui, c'est lui, cette chanson-là, à qui on rend un hommage au compte-gouttes comme ça au fil de l'émission ce soir. Donc, Glenn Frey, version solo cette fois-ci, parce qu'il y a une vie après les Eagles, avec The Heat Is On, comme on disait, de 84. Une chanson qui nous provient de la trame sonore du flic de Beverly Hills, un film avec Eddie Murphy. Et c'est pour ça que j'ai pas pu résister à l'envie de mettre le thème principal du film qu'on entend en ce moment. Axel F, bien sûr, Daryl Faltermeyer. Et non, c'est pas Crazy Frog, le titre de ça. Harold Faltermeyer, à qui on doit plusieurs autres thèmes du genre d'ailleurs. Et sinon, on a passé à travers des titres qui vous ont assurément rappelé une époque bien précise. Peut-être pas l'époque la plus glamour, la plus classique, peut-être même pas une époque dont vous vouliez vous rappeler tant que ça, mais une époque tout de même, et vous le savez, on touche à tout ici à Mélomane. En tout cas, moi, je me rappelle très bien d'une période où c'était très hot d'écouter du Simply Red ou du Phil Collins, les débuts de la pop adulte contemporaine, mes amis. De toute façon, je suis certain que je vous ai fait chanter dans ce dernier bloc de plaisir coupable. Et il faut y donner quand même Simply Red en 85 avec Holding Back the Years, qui sonne déjà comme une pièce des années 90, ou presque une production très solide pour l'époque. On a juste à comparer avec la chanson de Glenn Frey. On n'enlève rien à sa chanson, mais ça fait très 84, très dans le temps. Mais Simply Red, Holding Back the Years, la chanson commence, on dirait qu'on est des années 90, quand même 85. Et on n'ira pas jusqu'à dire avant-gardiste quand même, mais on pourrait dire un rouquin légèrement en avance sur son temps. Donc Simply Red, qui était précédé d'un des rois des ondes de ce temps-là, Phil Collins, à qui plusieurs fans de Genesis n'ont jamais pardonné son incursion dans le monde de la pop proprette, mais vous l'avez fredonné quand même avec un sourire en coin, j'en suis sûr. Il s'agissait d'Another Day in Paradise, tiré de l'album But Seriously de 1989. Parce que oui, Phil Collins avait toujours des drôles de titres d'album, mais on l'aime quand même. Et définitivement, vous étiez pas au bout de vos peines. On a aussi entendu Les Bébés, mesdames et messieurs, avec Seul au combat, gros hit de 1991. Les Bébés qui, il faut le dire, dominaient le hit parade de ces années-là au Québec avec un paquet de succès qu'on peut toujours pas s'empêcher de fredonner quand on les entend. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Mais que se passe-t-il? Vous écoutez Mathieu Lajoie, en effet, c'est moi-même. Mais, bref, Les Bébés qui dominaient le palmarès, on disait au Québec. Et un peu dans la même veine, nul autre que Julie Mars, un an plus tôt avec « Prends bien garde ». Et non, j'ai pas fait jouer ses zéros. On a été puisé un peu plus creux encore. J'espère que ça vous a rappelé des souvenirs, parce que c'était le but, chers amis. Et comme on n'aime pas séparer les couples ici à Mélomane, on a entendu Corey Hart juste avant. Mais en 84, quand même, avec « Sunglasses at night », une chanson qui est pas sans rappeler celle qu'on a entendue juste avant. Sorti un an auparavant, presque jour pour jour d'ailleurs, il s'agissait bien sûr de Sweet Dreams Are Made of This, des Eurythmics, succès international, qui a été repris à la surprise générale par Marilyn Manson en 95. Et on poursuit tout de go, mais on retourne cette fois-ci dans les années 70, comme ça, pour aucune raison, avec un choix du chef d'obscurité qui me sont chers. C'est le temps de faire des découvertes. On passe avec David Essex au 99.1 CFNJ. Where do we go from here? is a way that's clear. Still looking for that blue jean, baby queen, prettiest girl I ever seen. See her shake on movie screen, Jimmy Dean. James Dean. And where do we go from here? Which is the way that's clear? Still looking for that blue jean, baby queen, prettiest girl I ever seen. See her shake on the movie screen, Jimmy Dean. Jimmy Dean. Rock on. Rock on. Rock on. Down at the Alio pool tonight. Ooh, let's do it.

you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come late. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et la dernière d'un petit hommage qu'on a rendu à Glenn Frey des Eagles au fil de l'émission, mais non la moindre, New Kid in Town de 1976, une de ses très belles face B du 45 tours d'Hotel California, du moins au Canada. Et Billy Paul, qu'on a entendu juste avant, avec pour ainsi dire son seul succès en carrière. En fait, on se mentira pas, c'est un one-hit wonder en force, une merveille à un succès. Mais quel succès! On la connaît tous, Me and Mrs. Jones, qui a dominé les palmarès dès 1972. Une chanson qui va être reprise ici au Québec par François Pérusse, qui va en faire un classique presque aussi bon avec Guy, il y a un Bessic jaune sur l'album du Peuple, tome 2 de 92. Et juste avant, Vincent Fournier, alias Alice Cooper. En fait, on devrait dire le groupe Alice Cooper, parce qu'avant 1975, Alice Cooper, c'était un groupe. Et on était ici en 73 avec le classique Billion Dollar Babies, qui nous a brassé la cage un peu. C'était tiré de l'album du même nom et de la même année. Sinon, incontestablement, la plus obscure du lot, Biology 2 du groupe Sparks en 1972. En fait, sorti en 71 sous un autre nom. Mais je ne vous barderai pas avec des détails pour une pièce aussi rare. C'est bizarre, c'est avant son temps. Et je vous conseille d'ailleurs l'album éponyme au complet. Vraiment très bon, surprenant. Fiez-vous pas à cette pièce-là. Un groupe de Los Angeles qu'on pourrait qualifier d'art rock ou de glam rock. Un style dont Bowie a été un des précurseurs. On en parle beaucoup, mais que voulez-vous, ça touche de près ou de loin toujours à Bowie. On en a parlé la semaine passée de façon plus exhaustive de toute façon. Mais ça reste dur à classer. Sparks, et ça reste l'oreille qui est le dernier juge. Vous irez voir ça si ça vous chante. Et le tout qui fut amorcé par un classique quelque peu obscur, mais quand même un classique qui s'est classé numéro 1 au Canada en 1974 et qui a été repris plusieurs fois, notamment par Michael Damien, Def Leppard, les Smashing Pumpkins. On parle de David Essex avec Rock On, originalement sorti en novembre 1973. Et là, je vais vous laisser avec ce qui va être notre dernier bloc de cette seconde édition de Mélomane Radio Pirate. La semaine prochaine, mercredi le 27 janvier, 21h, n'oubliez pas un spécial jazz pour une partie de l'émission. Prenez une chance, même si vous pensez que vous n'aimez pas le jazz, ça va valoir la peine. Mais pour l'instant, je vous laisse avec un bloc où chaque chanson est un petit chef-d'œuvre en son genre, mais d'un genre plus méconnu. Écoutez, tant qu'à y aller, Radio Pirate, on y va dans les découvertes. On finit ça du côté un peu intello bizarre de la vague punk de 77. Il y avait tout un côté, le punk plus agressif d'Angleterre, mais à New York, ces alentours-là, il y avait un punk qui va devenir tranquillement du New Wave. Et ça va nous mener à du synth-pop suédois parfait de 1982. Et si le temps le permet, une pièce de proportion épique, rien de moins pour finir. Fait que c'est pas moi qui va vous décourager, les courageux. Plutôt, comment je dis ça, c'est pas moi qui vais décourager les courageux de rester jusqu'à la fin. Vous serez pas déçus. Donc, en vous souhaitant une bonne semaine et une bonne nuit, je vous laisse avec du bizarre, Strange, The Wire, au 99.1 CFNJ. hesitating. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, 89.1 et 88.9 CFNJ.